La science CQFD, Natacha Triou. Comme chaque mois, on sélectionne pour vous le meilleur de l'actualité des sciences. En ce mois de février, que trouve-t-on à la une de la presse scientifique ? Le 29 janvier dernier, Neuralink, la start-up d'Elon Musk, inaugurait Télépathie, son premier implant cérébral chez l'humain. L'objectif annoncé est médical, mais pas seulement. Puis, Thalès et Pythagore ne sont pas les auteurs de leur célèbre théorème. Alors comment attribuer la paternité ou la maternité des découvertes scientifiques ? Et enfin, l'éthologie continue de tordre le cou aux idées reçues. Chez les mammifères sociaux, le pouvoir des femelles a été sous-estimé, de quoi faire tomber les stéréotypes du mâle alpha. Neuralink, paternité d'un théorème et femelle alpha, au clair de la une. Élodie Chabrol, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du festival Pint of Science. Mathilde Fontès, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef du magazine Epsilon. Et Philippe Pajot, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du magazine La Recherche. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Et merci à vous d'être là au rendez-vous à toute heure en podcast sur l'appli Radio France. N'hésitez pas à nous suivre sur X, anciennement Twitter. Vous y trouverez plein de ressources complémentaires et notre live tweet qui commence tout de suite. C'est sur notre fil à science CQFD. Alors quel avenir pour les implants télépathie ? Pourquoi donne-t-on un théorème, le nom d'une personne qui n'est pas son auteur ? Et que sait-on des espèces dominées par les femelles ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence avec notre premier sujet du jour. Aux États-Unis, Elon Musk a révélé que la start-up Neuralink, dont il est cofondateur, a posé dimanche son tout premier implant cérébral sur un patient. Ce dernier se porte bien et a commencé à communiquer via un ordinateur. Le milliardaire indique que ce patient anonyme se porte bien et que les premiers résultats sont prometteurs. Selon lui, l'implant de Neuralink pourrait être utilisé pour contrôler son téléphone ou son ordinateur et à travers eux, n'importe quel appareil. Elon Musk a profité de l'occasion pour dévoiler le nom de ses puces à mettre dans le cerveau, Télépathie. Après avoir fait voler des fusées, Elon Musk, via son entreprise Neuralink, a posé son premier implant cérébral. Cet implant a pour but de permettre à des personnes paralysées ou souffrant de maladies neurologiques d'interagir avec leur environnement en utilisant des appareils numériques et de rendre la vision à des personnes aveugles. Mais l'entreprise est visée par plusieurs enquêtes des autorités américaines, l'une d'entre elles pour maltraitance animale. Voilà un montage sonore concocté par notre réalisateur Olivier Bétard. Montage concocté avec des extraits entendus sur le petit écran. On reviendra dans le détail sur quelques points entendus. Mais Élodie Chabrol, petit retour en arrière. Depuis quand le projet est-il en cours d'élaboration ? Quel est son historique ? Alors la start-up a été montée en 2016. Donc le projet avance depuis 2016. En 2019, il a été testé sur des animaux. Alors à l'époque, c'était un petit peu différent. Il y avait, donc là c'est sans fil, c'est-à-dire que c'est Bluetooth. Donc on a les implants qui sont implantés chez les gens qui envoient des données sans fil. À l'époque, en 2019, c'était à l'aide d'un plug USB-C, comme vos téléphones en fait. Hein. Donc il fallait brancher les rats à des ports USB-C. Ouais, c'est pas fou, je vous laisse imaginer. Et le 25 mai 2023, ils ont eu l'autorisation de la Food and Drug Administration de tester chez l'humain. Donc en fait, voilà rapidement quelle a été l'avancée. Et donc, le premier patient a été implanté le 29 janvier 2024. Donc là, il y a très très peu de temps. L'actualité de 2024. Mm-hmm. Alors comme vous dites, le 25 mai, Neuralink obtient donc cette autorisation de la FDA. Ouais. Entre août et novembre, la start-up lève près de 323 millions de dollars, mais il a quand même fallu trouver 9 candidats tétraplégiques qui étaient prêts à recevoir cet implant. Oui, exactement. Ils ont d'abord... L'idée de l'implant, c'est il faut le tester médicalement. Hein, il est pas, c'est pas un implant commercial d'abord. Donc l'idée, c'est de trouver des patients tétraplégiques. Effectivement, là, je sais pas combien ils en ont trouvé. Je pense qu'ils ont trouvé les 9. La vraie difficulté avec Elon Musk et avec tout ça, c'est que c'est assez difficile de trouver des informations. Clairement, voilà, c'est pas toujours très très clair ce qui se passe, etc. Mais oui, le premier patient a été implanté, premier patient tétraplégique. Justement, par rapport à ce que l'on sait de ce projet, Mathilde Fontès, que sait-on plus précisément de ce projet d'implantation de la start-up Neuralink ? Justement, c'est important de s'arrêter là-dessus. On n'en sait pas grand-chose. Ouais. Et c'est tout à fait singulier. Hein. Il faut se rappeler que le processus habituel, en fait, hein, pour des essais cliniques comme celui-là, ou des premiers essais sur l'homme, c'est d'abord donc de faire ses expériences, de publier avant, de publier après. Ces publications sont à la disposition de tout le monde et peuvent être après commentées, et peuvent être après même, d'ailleurs, les expériences peuvent être refaites par d'autres scientifiques. Là, il n'y a pas eu de publication scientifique. Il y a eu une autorisation par la FDA. Donc, ça veut dire qu'il y a sans doute eu des échanges de documents avec la FDA qui, notamment, garantissaient une certaine sécurité vis-à-vis des personnes qui étaient impliquées dans les essais. Mais il n'y a pas d'autres informations. La nouvelle est tombée sur X, sous la forme d'une phrase assez lapidaire. Et on n'en sait pas plus que ça. Et c'est ce que disent les chercheurs qui ont pu être interrogés après, depuis qu'il y a eu cette annonce d'Elon Musk. C'est qu'eux, ils attendent des données. En fait, ils attendent des données, des publications à étudier, des résultats, des protocoles. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui pour analyser vraiment cet essai. Philippe Pajot pourrait parler peut-être d'un coup de com'. Tout à fait, un coup de com'. Je compare ça à d'autres personnes qui travaillent sur des choses proches, notamment Grégoire Courtine, pardon, à Lausanne, à l'EPFL, qui lui fait sur quelque chose d'un petit peu différent, où il fait remarcher des gens qui sont paralysés par un processus de neuro-réhabilitation, c'est-à-dire qu'on implante des puces dans la moelle épinière, et ensuite, par un apprentissage, en fait, on commande la marche. Et là, à l'inverse de ce qui se passe pour cet implant de Harlink et pour Elon Musk, c'est tout à fait un processus scientifique habituel, c'est-à-dire qu'il y a des publications, soumis au pair, ensuite tout le monde peut regarder. Donc il y a vraiment tout ce processus et c'est vrai que là, c'est comme ça que la science avance. Hein. Pour que la science avance, il faut que les choses soient ouvertes, soient connues. On fait pas les choses dans son coin. Donc je dirais. Peut-être pas méfiance, mais voilà, attendons de voir ce qui se passe. D'autant qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, comme vous le disiez tout à l'heure. Tout ce qui est de l'expérimentation animale qui a été nécessaire pour faire ces expériences, ça, on voit passer des chiffres comme 1500 animaux sacrifiés pour ça, et c'est quand même un peu gênant. Oui, on reviendra sur les controverses et les questions éthiques que pose tout le projet télépathie de Neuralink. Alors, on le dit, hein, tout ça, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes. Élodie Chabrol, mais comment ce premier implant cérébral pour l'humain, comment est-il censé fonctionner et à quoi ressemble-t-il ? Alors déjà, il ressemble à une grosse pièce de 2 euros. Je dirais une pièce de 2 euros très épaisse. Donc c'est 23 mm de diamètre, 8 mm d'épaisseur. Donc en gros, je pense que c'est à peu près l'équivalent de mettre 2-3 pièces de 2 euros ensemble. Donc c'est pas énorme, mais quand même, ça prend un peu de place. Comment ça marche ? La puce, donc au milieu, avec une batterie, a 1024 électrodes qui vont être dans des fils, donc répartis sur 64 fils. Les fils, ils font à peu près la taille d'un cheveu. Donc c'est vraiment très très très très fin, c'est ultra flexible normalement, et ça va être implanté dans le cerveau. C'est un peu différent de ce qu'on avait pu voir avant, où parfois les implants cérébraux, ça va ressembler plutôt à une espèce de petite grille qu'on va poser sur le cerveau. Là vraiment, ce sont des fils qu'on va enfoncer dans le cerveau, en fait. Mathilde Fontes, pour compléter justement cette présentation de la technologie Neuralink, sur quelle technologie justement c'est basé ces implants? Le cap qui est franchi pour parler français avec ça, c'est vraiment le côté sans fil. Il y avait un côté très rebutant dans les précédents essais et qui était celui de voir brancher un animal ou un être humain on peut pas envisager vraiment en tout cas de voir ça se répandre et de voir le rêve de science-fiction devenir réalité, parce que c'est ça le but, hein, quand même à la fin. Si on garde un fil comme ça qui connecte l'ordinateur au cerveau en permanence, et donc c'est ce développement là clé, donc la miniaturisation du coup, et qui permet de que tout soit sur la puce et qu'elle puisse communiquer après derrière sans fil avec l'ordinateur. Et par Bluetooth. Par Bluetooth. Élodie Chabrol, où cet implant est-il inséré ? Alors, dans le cortex moteur, donc en gros, c'est à peu près là où, quand vous mettez un casque sur vos oreilles, vous avez le haut du casque, là, c'est à peu près là. Donc c'est la partie du cerveau qui est responsable des mouvements, d'initier les mouvements. Et il me semble que, et encore, hein, c'est encore une fois, c'est assez difficile de exactement savoir le protocole et comment c'est implanté. Mais il me semble que c'est vraiment, ils font un trou dans le crâne, donc c'est vraiment, c'est pas dessus, c'est pas sous la peau, c'est un espèce de trou dans le crâne, et ils mettent ça vraiment à l'intérieur. Et c'est là où c'est un peu compliqué justement à implanter. Ils mettent la puce et après il y a les fils donc à implanter dans le cerveau. Ouais, c'est les petits détails. Philippe Pajot, alors c'est pas la première fois qu'on implante des dispositifs dans le cerveau. On peut peut-être revenir sur l'histoire et le principe justement des interfaces cerveau-machine, qui n'est pas du tout un concept récent. Non, effectivement, c'est assez ancien. Une interface de cerveau-machine que tout le monde connaît, c'est celle de Stephen Hawking qu'il utilisait évidemment pour communiquer. Donc il y a toute une histoire. Il y avait d'abord on faisait ça avec le mouvement des yeux, hein, c'est-à-dire que les gens visaient des lettres sur un écran et ça leur permettait d'écrire des mots. Je pense notamment aux gens comme le locked-in syndrome, le LIS. Les gens qui ont eu un accident, un AVC ou un accident qui leur coupe le tronc cérébral, qui fait qu'ils sont complètement paralysés. Et la seule manière qu'ils ont de communiquer, c'est en bougeant les yeux ou en faisant le clignement d'yeux. Hein. Vous vous rappelez le livre, Le scaphandre et le papillon, notamment, qui avait été important à l'époque. Et donc, pour ces gens qui ont le LIS, c'est vrai qu'il y a eu des progrès énormes. Donc, je vous ai dit, faire bouger les yeux en visant un endroit, déplacer aussi un curseur sur l'écran par la pensée, hein, ça c'est une étape suivante, et puis après commander effectivement directement complètement des mécanismes par ordinateur. Et justement, j'avais une question à te poser sur la localisation de la puce dans le cerveau, j'imagine qu'elle est importante. Là, ils ont choisi le cortex moteur pour une raison très particulière. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on pourrait avoir d'autres endroits dans le cerveau où ça pourrait... Alors oui. Oui, je pense que la localisation dépend de ce qu'on veut en faire, en fait. Parce que le cortex moteur, c'est là où on initie les mouvements. Donc, typiquement, ça sera pour créer du mouvement, créer du mouvement. Par contre, si à un moment, il parle de restaurer la vue, là, il faut que ce soit dans le cortex visuel, qui n'est pas du tout au même endroit, qui est derrière le cerveau. Là, il faut que ce soit implanté à cet endroit-là, et ça sera forcément différent. On peut imaginer plusieurs types de puces. On peut imaginer plusieurs types de puces. Ouais, exactement. On peut imaginer plusieurs types de puces à des endroits différents suivant ce qu'on veut en faire, en fait. Mais d'ailleurs, de plusieurs types de puces, mais ça fait penser aux avancées en la matière. On l'a vu, gros progrès en matière de neuroprothèses avec la société néerlandaise Onward Medical, Elodie. Oui, tout à fait. Mais ce qui est très difficile avec les neuroprothèses, c'est réussir à avoir une prothèse qui marche bien et qui permette d'envoyer les infos. Mais en fait, il faut penser aussi dans le mouvement. Il y a deux parties. Il y a la partie bouger une main, par exemple. Mais il y a aussi, si jamais j'attrape une bouteille, il faut que j'ai un retour sensoriel. Et ça, c'est plus difficile. C'est-à-dire qu'il faut que moi, je bouge mes doigts pour attraper la bouteille, mais il faut aussi que j'arrive à sentir si je touche la bouteille, parce que sinon, en fait, entre tenir la bouteille, est-ce que je vais vraiment l'attraper, est-ce que je l'ai attrapée ou pas, et la force que je vais mettre, ça va dépendre du retour sensoriel. Et ça, on ne s'en rend pas compte qu'il faut vraiment qu'il y ait un aller-retour. Et du coup, c'est vraiment difficile. Il ne faut pas oublier le retour sensoriel qui est souvent un peu plus difficile. C'est pas juste dans un sens. C'est pas juste faire bouger ses doigts. Il y a vraiment un intérêt dans les deux sens. Oui, c'est-à-dire faire revenir la motricité des jambes chez un patient tétraplégique grâce à des neuroprothèses, c'est déjà un défi, mais alors refaire fonctionner les bras, c'est un challenge encore plus important. Ouais, je pense que c'est encore plus fin, c'est des mouvements beaucoup plus fins, beaucoup plus travaillés, on va dire, plus fins que les jambes. Et effectivement, juste pour revenir, il y a des implants dont on parlait tout à l'heure pour faire remarcher des jambes, mais c'est important, c'est deux espèces de boîtiers. Là, Neuralink, c'est un seul. Donc, faire remarcher, c'est pas forcément le cas. Peut-être qu'il y a des prothèses. On parle souvent d'exosquelettes en ce moment. C'est assez à la mode. Ces espèces de, c'est pas des prothèses, mais ce sont des exosquelettes qu'on met autour des jambes, etc. Là, on pourrait, parce que Neuralink envoie des données à l'exosquelette directement ou à une puce ou un ordinateur. Mais pour faire remarcher, en fait, l'idée, c'est que souvent, les paralysies, c'est dû à un problème de moelle épinière. Il y a un problème de communication. C'est comme un fil, hein. Si on coupe à un moment, l'info ne va pas pouvoir aller plus loin. Et en 2023, le patient tétraplégique qui a remarché, c'était grâce à deux petits boîtiers en fait. Il y en a un dans le cerveau, il y en a un dans la moelle épinière et ils communiquent tous les deux pour dire à la moelle épinière, bah là je veux marcher et renvoyer l'information dans les jambes en fait. Donc c'est un petit peu différent. Neuralink n'est donc pas la seule entreprise à faire des interfaces cerveau-machine. C'est pas la première fois qu'on implante dans le cerveau un individu, un objet connecté. Mais les technologies utilisées par Neuralink sont tout de même innovantes. Quels usages? Pour quels usages? Restez avec nous, on continue de faire le tour de la question. France Culture. La science CQFD, Natacha Triou. En direct sur France Culture, avec nos trois invités du jour, Philippe Pajot, Élodie Chabrol et Mathilde Fontaise, nous faisons le tour de l'actualité scientifique. On vient de décrire le fonctionnement de télépathie, le premier implant cérébral de la start-up Neuralink d'Elon Musk. On l'a un petit peu évoqué en toute première partie de l'émission, Élodie Chabrol, mais on peut peut-être revenir sur les controverses autour de la start-up Neuralink. Alors, je pense que la plus importante, c'est le manque d'informations, je dirais. C'est ce que Philippe disait aussi tout à l'heure, et puis Mathilde aussi. En fait, quand on veut un petit peu creuser le sujet, bah déjà, il n'y a pas de papier, il n'y a pas d'article scientifique. Donc, en termes de méthode, exactement le but, comment ils travaillent scientifiquement, on n'arrive pas à avoir d'infos. Souvent, les résultats, on va les avoir par un tweet ou un post sur X. Je suis un peu résistante à appeler ça X, d'Elon Musk qui va dire que ça a bien marché, mais ça va être toujours très vague. Donc, vraiment, la vraie controverse, je pense, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et depuis le début, j'ai l'impression qu'en fait, c'est assez obscur ce qui se passe. Et du coup, ça ne permet pas déjà de vérifier scientifiquement si ça se tient, pourquoi ils veulent faire ça, comment c'est scientifiquement fondé. C'est un petit peu difficile à comprendre. Mathilde Fontaine. Oui, et puis il y a l'autre aspect aussi de tout ce que fait Elon Musk, qui est sa stratégie d'une part, qui est l'emploi sur SpaceX, et dont on peut imaginer qu'il aura envie de l'employer dans toutes les activités qu'il a, c'est-à-dire le fonctionnement de l'essai-erreur. Hein. Ça marche pas, on réessaye, on crache une fusée, on réessaye, etc. Ouais. Qui pose sans doute plus de questions quand on fait des essais médicaux sur l'homme, évidemment, même sur l'animal. Et donc ça, comment est-ce qu'il travaille, et est-ce qu'il applique ces mêmes méthodes-là? Et puis, il y a après, d'un point de vue juste purement économique, il ne s'agit pas d'un laboratoire académique, il s'agit d'une entreprise qui va lever des fonds, qui va du coup avoir des volontés qui vont être des volontés différentes de celles d'un labo académique, même si un laboratoire académique va être intéressé par un succès de communication autour d'une découverte, ce n'est pas du tout le même enjeu quand il s'agit après derrière de lever des fonds. Donc il y a toujours ces risques aussi, enfin en tout cas on peut soupçonner qu'il y ait des effets un peu de com pour faire des bulles, pour ramener de l'argent derrière, pour assurer on va dire le succès de l'entreprise au sens large et pas uniquement le succès de la recherche. Et donc tout ça rend la lecture de tous ces essais-là beaucoup plus compliquée pour tous les chercheurs qui regardent, et puis il faut le dire pour aussi les journalistes scientifiques, puisque il faut rappeler qu'Elon Musk, il ne parle pas à la presse. Il a décidé il y a longtemps de virer tout son service communication et de parler lui-même directement au monde entier via les réseaux sociaux. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun accès direct à des informations et aucune critique possible sur le détail. Philippe Pajot. Donc on peut pas en parler, voilà. On s'arrête là. L'émission s'arrête. Fin de l'émission. Voilà. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, Mathilde Fontaise, par rapport justement aux applications et ces erreurs avec les fusées. Ça fait penser en effet à la controverse dont on parlait en début d'émission, hein, sur le fait que Neuralink est allé à l'encontre des lois sur la protection animale, que les tests ont été, on parle de tests qui ont été faits, des tests en série, où il y a à peu près plus de 1500 animaux, selon les révélations de Reuters en décembre 2022. Qui ont été comme ça éliminés à la chaîne. Oui, tout à fait. Malheureusement, on est obligé pour ce genre de test d'utiliser des animaux. Mais c'est vrai que normalement, quand on travaille sur les animaux, il faut vraiment réfléchir à la réduction du nombre au maximum. C'est-à-dire vraiment utiliser un nombre le plus petit possible. Test individuel. Après, pour ce genre d'implant, je suppose qu'il faut regarder déjà la sécurité de l'implant. Donc, on implante, on attend. Il faut probablement avoir des chiffres assez élevés. Mais effectivement, là, les tests en série, ça laisse sous-entendre que derrière, l'éthique, elle n'est pas non plus formidable. Mais encore une fois, comme on ne sait pas quelles sont les méthodes, comme on ne sait pas exactement ce qu'ils ont testé, généralement, ce qu'on fait, oui, c'est mettre l'implant, voir comment ça se passe niveau infection, voir comment ça se passe niveau acceptation de l'implant, sachant que bien sûr chez l'animal et l'humain ça sera un petit peu différent, et les mécanismes sont légèrement différents et ça n'agit pas toujours pareil, mais il y a plein de tests comme ça au long terme, mais même chez un rat, long terme ça sera peut-être 2 ans si on y arrive et c'est bien, donc on n'arrive pas aux chiffres de chez l'humain, mais effectivement 1500 ça paraît beaucoup. Et vous avez dit le mot sécurité, quels sont les risques de ces dispositifs? Alors, le premier risque, c'est l'infection, parce qu'au final, on met quand même un produit étranger dans le cerveau, qui est quand même d'habitude très protégé. Le cerveau, il a une barrière hémato-encéphalique. En gros, normalement, il n'y a rien qui rentre dans le cerveau. C'est une espèce de barrière qui permet de filtrer le sang, de vraiment empêcher tout ce qui est extérieur. Donc, mettre un corps étranger dans le cerveau, ou en tout cas dans la boîte crânienne, c'est pas anodin. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont créé un robot pour faire l'implantation, aussi parce que je soupçonne l'implantation d'être très compliquée. Les électrodes vont, normalement, c'est des enregistrements de neurones individuels, donc il faut vraiment que ce soit très très précis, il faut vraiment que ça aille dans des neurones, que ce soit pas posé un peu n'importe comment. Et puis aussi, ça permet de désinfecter un robot beaucoup plus facilement, on peut le passer aux UV, on peut le désinfecter beaucoup plus facilement qu'un humain, donc ça c'est le premier risque. Après, il y a plein d'autres risques. Déjà, il y a le risque... généralement, quand on met un corps étranger, le corps essaye un petit peu de regarder ce qui se passe. Et parfois, il y a des tissus autour qui se fabriquent, on va dire, en espèce de protection. Donc, il faut voir comment ça se passe en termes d'inflammation, en termes de réaction du corps, etc. Et je crois qu'il y a encore un effet, j'ai oublié. Moi, j'avais lu qu'ils allaient surveiller le risque d'AVC, donc l'AVC, oui, la vascularisation aussi. Et l'infection, oui, après, qui était en plus une nécessité, une surveillance sur le long terme, puisque l'infection oblige à suivre le patient, pas seulement même si on lui enlève l'implant, il faut toujours... Oui, puis sur le long terme, on parle quand même de câbles. Est-ce que la batterie. La batterie, c'est la batterie que j'avais oubliée. Il y a aussi une batterie. Je me disais bien, il y avait un élément. Il y a une batterie qui est censée être chargée à distance. Donc ça, c'est pareil, on ne sait pas exactement trop non plus comment. Mais du coup, imaginez une batterie qui est en direct, alors pas dans le cerveau, mais en contact avec le cerveau. Il faut voir comment ça se passe, quoi. Voilà, exactement. Donc il y a tous ces sujets-là, les fils aussi, comment ça se passe. Alors c'est des implantations qui vont pas être profondes. Il y a des dispositifs déjà qui s'appellent des dispositifs profonds de stimulation profonde pour le cerveau qui existent depuis 97, notamment pour traiter Parkinson, pour traiter plein d'autres maladies. Où là, ce sont des électrodes qui vont très profondément dans le cerveau, mais avec des batteries qui se retrouvent au niveau du torse, en fait, en haut du juste sous les clavicules. Sous les clavicules, voilà. Là, c'est un petit peu différent. On a vraiment la batterie qui est posée sur le cerveau, donc il faut voir comment ça se passe, en fait. Et tout ça, ils peuvent voir chez les animaux, mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu une différence entre l'animal et l'humain, quoi. Donc ça va être à suivre. Lors d'une conférence en août 2020, Elon Musk avait montré trois cochons, dont un à qui il avait retiré justement un de ses implants, sans risque. Alors mettre en avant cette possibilité de retirer l'implant sans risque, ça laisse sous-entendre qu'il s'agit d'un produit de consommation, Élodie Chabrol. Oui, exactement. L'idée de le retirer, je crois qu'il y avait aussi une idée de le changer pour avoir... un plus nouveau, etc. C'est effectivement, ça donne un peu l'impression qu'on change de téléphone, quoi. Genre, ça y est, je vais changer de Neuralink, là, je veux la nouvelle version. Donc, ça laisse penser à un dispositif un peu plus commercial que médical, parce qu'effectivement, les électrodes, normalement, quand c'est implanté, c'est fait pour pouvoir changer les batteries, etc. Mais là, c'est le nouveau Neuralink. C'est ça, mais la FDA n'aurait jamais donné son accord pour un projet autre qu'une application médicale, Mathilde Fontaise. Oui, parce qu'on dans ces cas-là, il y a un risque, et donc ce qu'on étudie, c'est le bénéfice-risque après des recherches. Donc, et c'est d'ailleurs la seule interaction que, on va dire officielle, que Elon Musk a pu avoir avec ce qu'on pourrait appeler la communauté scientifique ou la communauté de la recherche, c'est via cette autorisation de la FDA. Donc c'est ce qui quelque part freine un petit peu, sachant qu'on voit bien que voilà, on est dans un... Enfin, le but, c'est d'accélérer, quoi. Le but, c'est d'aller beaucoup plus vite que d'habitude dans ces recherches-là. C'est le principe d'Elon Musk et de la direction qu'il impulse, quoi. Et donc, après, les risques sont-ils, comment dire, justifiés? La FDA a dit oui, là, pour celui-là. Donc, voilà. Après, on verra la suite. Philippe Pageot, est-ce qu'on sait justement les usages de ces technologies dont fantasme Elon Musk? Alors, je vous laisse tousser. Oui, c'est le mois de février, c'est comme ça. Les usages peuvent être assez variés, mais encore une fois, moi je suis un petit peu sceptique sur ce... Parce que c'est quand même invasif, hein, cette histoire de mettre une puce à l'intérieur du cerveau. Donc, ils vendent, en tout cas, lorsqu'ils s'accomment, ils vendent énormément d'usages possibles. Moi, ça me fait penser, vous avez vu que Apple a sorti il n'y a pas très longtemps un casque de vision augmentée, la Apple Vision Pro. Moi, ça me fait, j'entrevois que les gens pourraient penser à des usages comme ça extrêmement, extrêmement variés, plus grand public, hein, finalement. Mais l'aspect invasif, moi, me fait dire que je crois plus, en tout cas, peut-être à des signaux non invasifs du genre électroencéphalogramme, MEG, IRM, tout ce genre de signaux qu'on pourrait enregistrer sans rentrer dans le cerveau et ensuite les retranscrire pour justement faire des actions. Alors il y a beaucoup de recherches à faire parce que ces signaux ont des avantages et des défauts les uns et les autres. Il y en a qui sont plus précis temporellement, plus spatialement, etc. Donc c'est il y a encore beaucoup de choses à faire. Les casques de notamment les casques MEG qui mesurent le champ magnétique du cerveau nécessitent encore aujourd'hui des grosses installations qui fait que ça peut se faire que dans des pièces particulières. Vous n'avez pas ça chez vous, mais il y a pas mal de choses qui se font là-dedans. Et moi je suis assez, j'aimerais bien voir ce qui va se passer là. Dans ce domaine-là. Bah pour les EEG, notamment, il y a des bonnets maintenant qui ont été développés. Je suis très contente qu'on en parle parce que c'était mon sujet de recherche quand j'étais chercheuse. Effectivement, il y a des bonnets maintenant qui se développent avec des électrodes qu'on pose sur le crâne. Donc on enregistre les EEG. Ça permet à des patients épileptiques déjà de diagnostiquer certaines épilepsies et puis de les suivre. Mais effectivement, ces implants-là, c'est aussi intéressant pour certaines autres épilepsies qui sont très très focales, on va dire, très restreintes à une aire en fait, de permettre d'enregistrer ça. Mais là, pour l'instant, lui, c'est pas comme ça qu'il le vend. Il le vend vraiment cerveau, interface machine. En fait, on a l'impression qu'il vend ça pour tout, quoi. C'est un peu la solution à tous les problèmes. On va pouvoir remarcher, on va pouvoir voir mieux, on va pouvoir jouer aux jeux vidéo. C'est des solutions, c'est des choses vraiment super différentes les unes des autres. Mais on a l'impression qu'il vend ça comme le truc miracle qui va résoudre toutes les situations de handicap et puis qui va permettre de faire des choses de fou. Mais oui, c'est ça. Mais voilà. Il parle aussi de symbiose avec l'IA. Avec l'IA, exactement. Pour avoir la puissance de calcul. Enfin, on est quand même sur des délires un peu... transhumanisme. On est sur un délire transhumanisme, on peut le dire. Hein. C'est ça. C'est vrai qu'il fait un peu peur, en tout cas. Mais Mathilde Fontaise, est-ce qu'on doit se préoccuper de voir comme ça l'être humain devenir un objet connecté parmi d'autres, surtout quand il s'agit d'une start-up et non pas d'un laboratoire universitaire? Mais j'ai du mal à voir ça que sous le côté délire effrayant, hein, parce que ça reste aussi un fantasme de SF, un fantasme total, hein, de pouvoir imaginer qu'on est comme ça, qu'on puisse s'adjoindre à un cerveau supplémentaire ou qu'on puisse se donner des super pouvoirs à volonté, etc. Et dans cette recherche qui est menée par Musk, mais aussi d'ailleurs par d'autres, il y a une recherche de meilleure résolution. Je crois que c'est ça, hein, le truc de vouloir aller dans le cerveau, c'est pour essayer de gagner justement un cran ou plusieurs crans, disons, en termes de résolution, de lecture et d'écriture du cerveau, en gros, par rapport à ce qu'on peut avoir en restant à l'extérieur de la boîte crânienne. Et effectivement, les premières applications sont médicales, parce que comme il faut ouvrir la boîte crânienne, il faut bien le justifier. Donc voilà. Et à terme, on voit bien que le rêve, c'est pas ça. C'est pas simplement de redonner la vue à des personnes aveugles ou de refaire remarcher des tétraplégiques. C'est d'augmenter l'homme lui donner des possibilités, des fonctionnalités. Et moi, je vois pas de tabou là-dessus, personnellement. On est, de toute façon, déjà un animal à prothèse, hein. On a déjà un téléphone dans la main en permanence, avec un doigt qui est prêt à chercher sur internet des informations. On a déjà des vêtements pour nous protéger du froid. Avoir en plus un petit ordinateur de secours avec lequel on dialogue en permanence, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, j'ai pas de problème éthique avec ça. Et je comprends que ce rêve soit poursuivi, ce fantasme soit poursuivi par des chercheurs qui voient bien qu'aujourd'hui les progrès de la science, d'un côté d'un point de vue de la neuro et de l'autre du point de vue de l'intelligence artificielle, elles sont tellement sidérantes qu'on a forcément envie d'aller voir, on a forcément envie d'essayer. En tout cas, pour un peu plus de rigueur scientifique, je vous invite à podcaster l'émission que nous avons consacrée l'an dernier sur les interfaces cerveau-machine, cerveau connecté et cette machine dans ma tête. On vous poste le lien sur le fil Twitter La Science CQFD. Après avoir exploré les possibilités futures des implants cérébraux, on retourne dans le passé pour explorer l'histoire des sciences et on s'interroge à qui attribuer la paternité d'un théorème mathématique. On y vient dans quelques instants. Set you free now. told me you can make it all easy, but I feel like a moat My brain make me smile, des cranks en direct sur France Culture, car nous venons de parler des implants cérébraux d'Elon Musk. Nous faisons le tour de l'actualité scientifique en compagnie de nos trois invités du jour, Élodie Chabrol, directrice du festival Pint of Science, Mathilde Fontaise, rédactrice en chef du magazine Epsilon, et Philippe Pajot, rédacteur en chef du magazine La Recherche. Deuxième sujet à la une de cette émission, pourquoi beaucoup de théorèmes ne portent pas le nom de leur auteur? C'est la question posée dans le dernier numéro du magazine La Recherche. Thalès et Pythagore ont-ils eu l'idée du théorème qui porte leur nom? On commence avec Pythagore et cette archive de 1953. Répétons-le, après M. Millepierre et beaucoup d'autres, la base du pythagorisme est essentiellement mathématique, mais les mathématiques avaient alors un champ beaucoup plus vaste qu'aujourd'hui. Elle s'étendait en somme à tous les domaines de la connaissance, et c'est pourquoi il est légitime de voir en Pythagore le fondateur de la méthode expérimentale. Malheureusement, elle ne s'imposera que beaucoup plus tard, avec Bacon, avec Descartes et, plus près de nous, avec Auguste Comte. Tout est donc renfermé dans le nombre. Connaître le nombre, c'est connaître le monde dans son essence et dans ses causes, dans sa substance, ses formes, ses principes. Le nombre est tout, il est partout. Pour Pythagore, le langage mathématique est l'expression de la connaissance et de la pensée. Il lui a permis de libérer la science en la dégageant du fatras de préjugés et d'erreurs que le cerveau des premiers humains avait si naïvement enfanté. Voilà une archive de 1953 sur la pensée pythagoricienne. Alors, selon le théorème à son nom, je rappelle, dans un triangle rectangle, la somme des carrés des côtés de l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse. Sauf que, Philippe Pajot, ce théorème n'est pas de lui. Il n'est pas de lui, non, tout comme le théorème de Thalès qu'on mentionne ici. On va commencer par Pythagore, si vous voulez bien, pour poursuivre l'archive. Donc, il est connu, en fait, donc Pythagore, je rappelle les dates, hein, on est vers moins 500, donc 5-6 siècles avant notre ère. Et en fait, il est connu depuis bien longtemps auparavant, donc, parce qu'on retrouve sur une tablette babylonienne qui s'appelle Plimpton, il y a de moins 1800, donc quand même on est plus d'un millénaire auparavant, des colonnes avec des nombres, on appelle ça des triplets de nombres, qu'on appelle aujourd'hui des triplets pythagoriciens. Voilà. Et donc, sur cette tablette, il y a 15 triplets peut-être pythagoriciens, et ces nombres, je dis qu'il y en a une infinité, mais sinon, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? C'est qu'ils répondent justement à ce fameux théorème qui fait que le carré d'un nombre est égal à la somme du carré de deux autres nombres. Le plus connu des triplets pythagoriciens, c'est 3, 4, 5. Hein, 3, 4, 5, vous faites 3 au carré plus 4 au carré, ça fait 5 au carré. Mais il y en a une infinité. Bon, alors, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que cette tablette babylonienne, c'était elle qui était à l'origine du théorème de Pythagore? En fait, on pense aujourd'hui que non, parce qu'il n'y avait pas vraiment de notion géométrique. Parce que dans le théorème de Pythagore, il y a quand même un triangle. Et d'ailleurs, Pythagore lui-même voyait les nombres plutôt comme des objets arithmétiques. La partie géométrique, en fait, ne l'intéressait pas trop. Alors, est-ce que Pythagore est allé se former en Égypte, puisque les savants de cette époque allaient beaucoup en Égypte? C'est possible, mais en fait, le problème, c'est ce qu'on n'en sait rien. C'est que, à mesure que l'histoire des sciences s'écrit, elle se réécrit, c'est un phénomène mouvant, tout comme l'histoire d'ailleurs, hein, c'est des choses qui varient. Et vous imaginez bien que, quand on se place plusieurs siècles après, déjà, on a du mal à savoir ce qui s'est passé il y a 10 ou 20 ans, et quand on se place des siècles après, des siècles après, c'est difficile. Alors, et puis au plus, en termes de sources, la biographie, entre guillemets, la plus riche concernant Pythagore, elle a été rédigée 8 siècles après sa mort. Exactement, que ce soit pour Thalès et Pythagore, effectivement, Thalès, c'est assez intéressant parce que Pythagore, bon, il a quand même, on peut dire qu'il était mathématicien, etc., il s'est intéressé au nombre. Mais Thalès, par exemple, il n'est pas du tout considéré comme un mathématicien. C'est une réécriture cinq siècles plus tard de l'histoire. On voit apparaître cette qualité de mathématicien qui n'était pas du tout là au départ. Alors on a des sources quand même. Pline l'Ancien le qualifie que je retrouve ça. Voilà, comme il était décrit, Thalès, c'est assez rigolo, il était décrit comme un spéculateur malin qui louait toutes les presses à huile de la région pour les soulever ensuite au moment de récolte, ou encore chez Hérodote, un conseiller politique qui donnait des conseils, mais nulle part dans les sources, par exemple pour ce qui concerne Thalès, il y a mention de mathématicien. Pour Pythagore, c'est un peu différent, mais en tout cas, il n'y a pas effectivement de biographie très précise là-dessus. Alors, Thalès devient un grand mathématicien qui découvre de nombreux résultats mathématiques, mais donc beaucoup plus tard, hein, plus de 500 ans après sa mort. Alors, pourquoi avoir attribué le théorème à Thalès ? Alors, que je disais, l'histoire des sciences évolue, ça c'est une chose, et la manière de considérer un résultat évolue, il y a un flou temporel, hein, vous connaissez évidemment bien les chiffres arabes qui sont pas du tout arabes, qui sont indiens au départ. La perspective de l'époque change, et pour ce qui concerne Thalès ou Pythagore, en fait, il y a une sorte de nationalisme hellénistique, on pourrait dire. Au moment où la Grèce commence à devenir un grand empire, après Alexandre le Grand, il y a une sorte d'envie de réattribuer la grandeur grecque, et donc on réattribue, chez plusieurs auteurs, on réattribue ces caractéristiques de grand mathématicien, phare de la pensée universelle, on va dire, à Pythagore et à Thalès. Ça se retrouve dans pas mal d'exemples. C'est cet aspect nationalisme que vous connaissez tous, l'effet Doppler, qu'on appelle Doppler si on est anglais, ou Fizeau si on est français, ou l'effet Doppler, c'est cette histoire de son qui est plus grave quand il s'éloigne et plus aigu quand il se rapproche, qui est également là pour la lumière. Comme avec les ambulances, le fameux exemple. Les fameux exemples d'ambulances, voilà, exactement. Ou la loi de la réfraction de Snell-Descartes, qui, pareil, Snell est un Hollandais et Descartes est un Français. Donc selon les pays où on se trouve, ça peut varier. Et on voit, hein, pour cette histoire d'attribution de Thalès, qu'il y a de la géopolitique grecque qui rentre en jeu avec Alexandre le Grand. Mais alors, ce problème de l'attribution, ce qui est intéressant dans ce dossier de la recherche aussi, c'est qu'on voit que ça ne concerne pas que les mathématiques. Il y a des sociologues des sciences qui se sont aussi posé la question pour d'autres disciplines. Tout à fait. Alors il y a une loi qui est assez drôle, qui s'appelle la loi de Stigler, qui dit qu'une découverte scientifique ne porte jamais le nom de son auteur. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que la loi de Stigler n'est pas de Stigler, évidemment, sinon ce serait trop facile. C'est attribué à un statisticien qui est Robert Merton, qui appelle ça aussi lui-même l'effet Matthieu, parce que dans l'évangile selon saint Matthieu, on dit qu'on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Voilà. Et alors, on oublie souvent une femme dans l'histoire. Donc, c'est une femme qui s'appelle Harriet Zuckerman, et les femmes sont souvent effacées d'ailleurs de cette histoire des sciences. Et on appellera ça plus tard l'effet Mathilda, du nom de Mathilda Jocelyn Gage, qui était une écrivaine féministe américaine. De la fin du 19e siècle, qui sera donc du coup réhabilité ensuite par Harriet Zuckerman. On voit, Élodie Chabrol, hein, que l'effet Matthieu est bien plus fort lorsque la personne à l'origine de l'idée est une femme. Ce fameux effet Mathilda, on a quelques exemples. Oui, on en a pas mal. De plus en plus, d'ailleurs, plus on creuse et plus on se rend compte qu'au final, il y a beaucoup de femmes qui ont travaillé. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être dû au statut des femmes qui, à une époque, ne travaillaient pas forcément. Quand on voit Marie Curie, elle a dû demander l'autorisation à son mari pour travailler. Donc, il y a eu ce statut où, au final, elle travaillait, mais peut-être pas forcément très officiellement. Et puis, ça continue. Hein, donc, même de nos jours où, en fait, on peut très bien travailler, il y a ce vol, on va dire, de résultats, malheureusement. Et cette invisibilisation, c'est très dur à dire pour un lundi, des femmes. Cet effet Matilda qui continue, qui est bien présent encore dans les laboratoires, même en 2024. Autre victime de l'effet Matilda, on peut citer Jocelyne Bell, découvreuse des pulsars, où le prix Nobel lui a échappé, Rosalind Franklin, physico-chimiste britannique, pionnière de l'ADN, Mathilde Fontaise, tout ça. Alors, sur ces problèmes d'attribution, est-ce que ça veut dire qu'il faut abandonner l'idée de donner des noms à une découverte scientifique, quand on sait surtout en plus que l'histoire des sciences est une histoire collective, une aventure humaine à plusieurs? C'est une vraie question qu'on s'est posée nous récemment. C'est ce que je voulais rebondir en parlant. On a consacré dans Epsilon récemment un dossier et donc une couverture à des travaux sur des mathématiques assez remarquables, une vraie révolution en maths. Hein. Et ces travaux, en fait, ils sont menés en très très grande partie par une personne. Peter Scholze, un Allemand, et là on n'a pas pu s'empêcher nous de mettre en scène le héros scientifique. On sait bien que c'est pas ce qu'il faut faire. On sait bien que la science est une accumulation de savoir, que même Einstein, il était dans un bain particulier qui l'a mis en capacité d'avoir les idées qu'il a eues. Mais là pour ce qui est de Peter Scholze, on a titré en couve un jeune mathématicien révolutionne les mathématiques puisqu'on a eu par exemple des chercheurs qui nous ont dit « il faut surtout pas qu'il meure ». On n'a pas fini d'étudier ses notes, on n'a pas toutes ses notes, il ne faut pas qu'il meure, il faut qu'il continue à travailler. Donc ça montrait bien à quel point ce qui se passait dans la tête de cette personne unique était important. Et donc on a pris ce risque-là, et on a eu des débats avec les chercheurs, avec les collègues, qui nous ont dit que reprochaient d'avoir un petit peu trop quand même personnalisé. Mais dans l'histoire des sciences, c'est un récit aussi. Un récit a besoin de héros. Et donc il faut toujours nous qu'on se questionne, ceux qui rendent compte comme les journalistes scientifiques et puis les historiens après aussi, mais sans aller non plus complètement d'un côté ou de l'autre. Et la question des femmes après, c'est juste s'astreindre à citer toutes les femmes, à aller les chercher, les interroger, et essayer d'être au moins le reflet de la sociologie de la discipline, au moins. On va continuer à s'interroger, à questionner justement la répartition du pouvoir entre les mâles et les femelles dans le monde animal. Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Triou. En direct sur France Culture avec nos trois invités du jour, Philippe Pajou, Élodie Chabrol et Mathilde Fontaise, ont fait le tour de l'actualité scientifique. Dans la revue Epsilon ce mois-ci, un dossier intitulé « Girl Power versus Mâle Alpha, la leçon animale ». Un dossier qui reformule la question du chef chez les animaux, une question qui turlupine déjà notre journaliste de 1951 dans cette archive. Prenez, docteur, le problème des chefs dans les groupements animaux. Chef qui est par exemple dans un groupe de troupeaux, une vieille femelle, chef qui est le mâle du troupeau, le géniteur dans un troupeau restreint, n'est-ce pas? Il faudrait savoir comment, par quelle voie ce chef commande, comment cette vieille femelle est choisie et emmène un énorme troupeau d'éléphants dans une grande migration. Voilà, ce qui vous trouble, c'est justement parce que c'est une femelle et que nous avons la fierté généralement que ce soit un homme chez nous. Alors, oh ça non, je crois aussi au matriarcat, vous inquiétez pas. Ça n'est plus de l'analogie. Or, il n'est pas possible de faire de la psychologie des animaux sans faire de la psychologie analogique. C'est un fait. Oui. À ce moment-là, elle n'est peut-être pas très sérieuse, vous savez. Oui, mais là... Surtout quand il s'agit d'animaux sauvages. Quand il s'agit d'animaux sauvages, mais encore une fois, moi je prétends qu'avec une étude qui n'a pas encore été suffisamment abordée du comportement, une observation sérieuse du comportement des animaux sauvages, eh bien on doit pouvoir résoudre énormément de ces problèmes et les comprendre. La femelle éléphant à la tête du troupeau en 1951. Mathilde Fontaise, on va voir comment l'éthologie est en train d'être dépoussiérée justement, mais on entendait dans cette archive comment justement le pouvoir féminin, ça a peut-être tendance à être considéré traditionnellement plutôt comme anecdotique ou comme être une bizarrerie dans le monde des animaux sociaux. Elle est exceptionnelle cette archive parce qu'elle montre à la fois effectivement comment est-ce que au départ cette question-là a été considérée comme une anecdote, une bizarrerie et à la fois il appelle clairement à une étude systématique des comportements animaux. Et c'est ce qui vient de se produire là. Donc c'est génial, on arrive après et on dit quoi? Ben on dit, nous c'est ce dont on parle dans Epsilon, qu'une vingtaine de biologistes ont aujourd'hui pu comparer, faire de l'éthologie comparée en milieu naturel, puisque c'était l'un des problèmes aussi, c'est que jusque-là, ces études avaient beaucoup été faites en captivité, avec énormément de biais sur les comportements animaux. Et donc là, ces chercheurs ont pris 9 mammifères sociaux qu'ils ont pu étudier dans leur milieu naturel, de manière ultra fine, à la fois pour voir leurs comportements les plus fins, mais aussi par des études génétiques pour essayer de retracer, par exemple, les filiations qui sont quand même au cœur de la dynamique d'une société, et essayer de re-questionner cette notion de la domination du pouvoir au sein du groupe d'animal. Et ce dont ils s'aperçoivent, c'est que on n'a pas d'un côté une ultra-domination du mâle, et de l'autre côté, quelques exemples très très bizarres de la domination de la femelle. On entendait l'éléphante, mais on parle aussi beaucoup de la hyène. Ça a été beaucoup l'exemple donné, hein, cette hyène qui contrôle sa reproduction, par exemple, et qui par là va imposer au groupe une domination. Là, on s'aperçoit qu'en fait, il y a tout un continuum de domination, depuis donc la domination de la femelle jusqu'à la domination du mâle, et en passant par aussi un tas d'états intermédiaires, jusqu'à même des sociétés totalement égalitaires chez les animaux. Justement, ces deux études qui sont parues dans la revue Frontiers in Ecology and Evolution, et Trends in Ecology and Evolution, pardon pour ce terrible accent anglais, ça donne vraiment un coup de pied dans les idées reçues sur ces idées, en effet, qu'on avait de la dominance des femelles. Que connaît-on plus précisément des espèces dominées par les femelles? Quels comportements et traits ont été observés, Mathilde Fontaise? Bon, alors, faut rappeler que jusque-là, ça va à contrario de quoi? Ça va à contrario de l'idée que c'est très simple, en fait, hein, y a un mâle qui est plus gros, qui a des plus grosses canines, et qui donc va dominer physiquement, et donc contrôler après tout le groupe, c'est-à-dire par l'accès aux ressources, il va contrôler la reproduction, l'accès aux ressources. Et c'est sur tous ces petits comportements-là, donc, qui contrôle l'accès aux ressources, à l'alimentation, à l'ombre, qui contrôle par exemple le déplacement du troupeau, l'éléphant a été cité, et qui contrôle la reproduction, c'est-à-dire qui choisit le partenaire sexuel et qui va impulser comme ça la dynamique du groupe. Et c'est toutes ces stratégies-là dont on observe qu'elles peuvent être parfois celles des femelles. Donc un truc, et donc avec des moyens qui sont des moyens un peu détournés, puisqu'il s'agit, alors pour les hyènes, c'est très simple. Les hyènes et les mâles et femelles font la même taille, le même poids. Et donc souvent, on a considéré que ça n'était que dans les espèces où il n'y avait pas de différence morphologique entre le mâle et la femelle qu'il pouvait y avoir une dominance de la femelle. On s'aperçoit aujourd'hui qu'au fait, pas du tout. Et que il y a des femelles où il y a des espèces où il y a un grand dimorphisme sexuel, donc où le mâle reste très gros et la femelle est plus petite. Mais où, par exemple, il y a des stratégies déclencher les femelles, déclencher une bagarre, par exemple, avec les voisins pour pouvoir s'approprier un mâle du troupeau voisin et par là réussir à faire un mélange génétique qui n'aurait pas lieu sinon et qui mettrait l'espèce en danger puisqu'en fait l'espèce serait toujours dans le même mâle génétique. Ça c'est l'un des exemples de stratégie. On s'aperçoit au fil de ces études que les femelles en fait sont la plupart du temps celles qui vont diriger le troupeau justement, pas que l'éléphante, mais la plupart des femelles vont être dépositaires comme ça de cette expérience, etc. On s'aperçoit aussi que certains mâles peuvent avoir des traits, des caractères, des comportements qui sont des comportements qui sont plus souvent attribués à des femelles. L'élevage des petits, prendre soin des petits, etc. On s'aperçoit que ça peut venir aussi de la sélection des femelles qui vont, elles, sélectionner les hommes pour se reproduire avec eux sur des caractères qui ne sont pas les caractères de c'est le plus fort, mais qui peuvent être les caractères du en fait c'est le plus doux, en fait c'est celui qui s'occupe des enfants, et etc. etc. Je parle d'enfants, je suis bien consciente qu'on est dans l'anthropomorphisme le plus complet, mais il faut pas le mettre de côté, je pense, pour ces sujets, puisqu'on est d'accord que si ça nous intéresse, c'est parce que ça résonne aussi sur nos pensées humaine, et donc autant l'assumer, même si il ne s'agit pas de parler de l'humain, il s'agit bien de parler des mammifères en général, et de ce que ça veut dire faire société, et comment est-ce qu'on construit au sens des animaux en général, au sens du mammifère, une société animale. Et bien là, la conclusion des chercheurs, et ce n'est que le début, puisqu'ils ont neuf espèces dans leur étude, et ils vont étendre bien évidemment leur étude à d'autres, mais ce dont ils s'aperçoivent, c'est qu'on n'a pas du tout une seule structure. Oui, comme vous dites, pour résumer, hein, les femelles qui guident, les femelles guides, ça c'est la norme chez les mammifères sociaux. Chez les mâles, on voit bien que les comportements sont plus variés que prévu. D'ailleurs, on oublie, hein, que souvent, aux côtés du mâle alpha, il y a toujours une femelle alpha. On voit des stratégies sexuelles actives chez les femelles. Mais alors, tout ça, pourquoi on découvre ça qu'aujourd'hui, Mathilde Fontaise? Il y a plusieurs raisons qu'on a toutes explorées avec les chercheurs avec lesquels on a discuté au cours de cette enquête. Il y a donc d'une part la raison de ces comportements qui sont plus subtils et plus difficiles à observer que simplement la bagarre entre deux mâles très très très visible. Et donc il a fallu du temps d'observation dans la nature pour pouvoir mettre en valeur ces comportements. Il a fallu avoir l'ouverture aussi d'esprit quand on était face à ces comportements, quand on était chercheur, de s'intéresser à ça. Et ce que nous ont dit les chercheurs, y compris d'ailleurs des hommes, hein, c'est qu'il a fallu faire tout un travail de la communauté, donc, et qui est lié à l'arrivée des femmes, d'ailleurs chercheuses, à partir des années 60 en éthologie, et qui progressivement se sont intéressées à des thématiques qui n'étaient pas forcément les mêmes thématiques que celles auxquelles s'intéressaient les chercheurs hommes, qui étaient plus focalisés sur la territorialité, le conflit. Et les chercheuses femmes ont amené d'autres sujets d'intérêt, d'autres sujets d'études qui ont pris du temps à se diffuser, mais qui aujourd'hui portent leurs fruits, et on a comme ça des portraits sociétaux animaux, des portraits de comportement animal qui sont beaucoup plus complets qu'auparavant. Et la dernière brique de ça, c'est vraiment les études génétiques qui ont permis de comprendre la filiation et par exemple de se rendre compte que même dans des groupes dominés par l'homme avec ce qu'on pourrait appeler un mâle alpha selon l'image qu'on avait du mâle alpha autrefois, les enfants de la femelle dominante aux côtés du mâle alpha ne vont pas forcément être ceux du mâle alpha. Donc la femelle dominante, on ne voyait pas, parce qu'on n'arrivait pas à la voir faire, on ne voyait pas qu'elle ne se reproduisait pas avec le mâle alpha, mais en fait on le découvre avec les études génétiques, et on s'aperçoit qu'en fait il y a un brassage génétique beaucoup plus grand, et du coup des rapports de domination plus complexes, puisque si le mâle alpha ne se reproduit pas, enfin si la femelle ne se reproduit pas qu'avec le mâle alpha, ça veut bien dire qu'au sein du groupe, il va y avoir des dynamiques de dominance qui vont être différentes de celles qu'on avait pu imaginer. Comme vous dites, hein, dans l'histoire des sciences et dans l'histoire de la primatologie, on a vu des biais, et pour lutter justement contre ces biais, vous faites allusion à l'anthropologue Louis Leakey qui a nommé les trimates, on les appelle les trois chercheuses, Jane Goodall pour l'étude des chimpanzés, Diane Fossé pour les gorilles et Birute Galdikas pour les orang-outans. Et ça, c'est les premières études d'ailleurs sur le terrain, des études longues d'observation. Et c'est venu justement contredire des études comme vous dites, hein, menées par des hommes qui faisaient aussi des études en captivité, qui nourrissaient les groupes, ce qui crée des conflits, des situations de hiérarchie faussée. Donc en fait, les études déjà en primatologie étaient déjà faussées par la méthodologie. C'est vraiment le point de départ. C'est que il a été prouvé après derrière que ça créait des relations de conflit, et ça crée des relations de conflit qui n'existaient pas forcément dans la nature et qui ont été interprétées comme, on va dire, la structure de base d'une société animale. Philippe Pajot. Oui, ça résonne tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure sur une sorte d'inversion de l'effet Matilda. C'est quand les femmes sont arrivées que les choses ont pu changer de manière en profondeur. Et c'est quand même triste. Enfin, c'est bien d'en arriver là, mais il a fallu beaucoup de temps, donc Élodie Chabrol. Ouais, moi je voulais juste effectivement pour conclure là-dessus. On parle souvent des femmes chercheurs, chercheuses, le fait d'avoir une diversité de chercheurs et de chercheuses, à la fois pour avoir des rôles modèles, mais aussi on voit que dans les sujets étudiés, en fait, avoir une diversité de scientifiques, ça apporte une diversité de points de vue et une diversité de sujets qui, sans ça, au final, ne seraient pas étudiés. C'est très, très important pour la société aussi, en général. Mathilde Fontaine, justement, sur cette diversité de points de vue au sein justement de la primatologie ou de l'éthologie. Oui, c'est sûr que ça. Bah là, on voit à quel point c'est riche. On voit que ça nuit à l'observation sereine de la nature. Enfin, tout simplement, de ne n'avoir que ce point de vue. Mais c'est aussi parce que sur cette thématique, on est chargé de nos stéréotypes, et il ne s'agit pas non plus de tomber dans le stéréotype inverse. Et là-dessus, les chercheurs font très attention, et nous aussi, on fait très attention. Il ne s'agit pas non plus de dire que girl power. C'est pour ça qu'on a mis les deux d'ailleurs en couve d'epsilon, hein, girl power et mâle alpha, les deux stéréotypes quelque part sont questionnés, et ce qui ressort de toutes ces études, c'est plutôt c'est beaucoup plus de subtilité, beaucoup plus de complexité, comme on peut s'y attendre à chaque fois qu'on rentre dans un sujet, beaucoup plus de subtilité. Et moins de binarité. Et pour reprendre vos mots, Philippe Pajot, la moralité de tout ça, c'est aussi qu'à mesure que l'histoire des sciences s'écrit, elle se réécrit. Merci à vous deux. Dans quelques instants, on va complètement changer de sujet avec la chronique Avec Science, mais avant ça, je vous invite, chères auditrices, chers auditeurs, à vous tourner vers le dernier numéro d'Epsilon, qui est en kiosque, et vers le magazine de la recherche, lui aussi toujours disponible, et à tendre l'oreille au podcast d'Élodie Chabrol, le podcast Sous la blouse. Il est temps à présent de retrouver Alexandra Delbo qui nous parle d'AlphaFold, la fameuse IA développée par DeepMind. C'est la chronique Avec Science. À AlphaFold de la révolutionnaire IA peut-elle faire des erreurs? AlphaFold, c'est ce logiciel développé par DeepMind de Google, un système d'apprentissage profond qui permet de prédire la structure de toutes les protéines. Alors les protéines ne sont pas seulement des molécules qui font la croissance des muscles, mais ce sont en réalité tous les petits effecteurs de nos cellules. Ce sont elles qui déplacent les nutriments, digèrent d'autres protéines pour les découper en morceaux, en acides aminés qui serviront à leur tour à faire de nouvelles protéines. Elles participent à la production de l'énergie, elles font la contraction des muscles, elles font l'immunité, elles font le sang, bref, elles remplissent toutes les fonctions de l'organisme. Et donc, connaître leur structure est essentiel pour comprendre leurs fonctions. Comme une clé dans une serrure, leur forme nous renseigne sur leur rôle. Martin Weicht est professeur en biologie computationnelle à Sorbonne Université. Les protéines, une fois qu'ils sont produits dans les cellules, ils vont se replier dans une forme trois-dimensionnelle et avec cette forme, ils vont assumer leur fonctionnalité. S'ils se replient dans une forme trois-dimensionnelle, ils vont avoir une surface qui a des propriétés physiques et chimiques et avec ces propriétés physiques et chimiques, ils vont interagir avec d'autres molécules, etc. Ils vont pouvoir faire leur travail comme protéines. Donc l'idée est que la connaissance de la structure nous donne aussi une idée sur un peu une idée mécaniste de comment peut être la fonction des protéines. Qu'on a facilement aujourd'hui sont des données de séquence, donc on peut séquencer des génomes et à partir des génomes, on peut identifier des gènes qui codent pour des protéines, donc des séquences d'acides aminés. Et là, on a beaucoup de données aujourd'hui. Donc, on connaît la séquence, mais pas la structure tridimensionnelle. La séquence des protéines est contenue dans nos gènes, mais pas sa structure. Et c'est tout le problème. Dans l'ADN, on a cette suite de lettres, mais cela ne nous dit pas tout à fait la forme que va prendre la longue chaîne d'acides aminés. En tout cas, pas assez précisément. Alors, ce qu'on fait en recherche fondamentale, il y a plusieurs techniques, mais la plus connue et précise, c'est la cristallographie. On fait des cristaux de protéines, on les bombarde de rayons X, et on obtient une structure tridimensionnelle. C'est très précis, mais fastidieux. Et ça ne marche pas à tous les coups. Jusqu'à présent, on connaissait seulement 200 000 structures sur les potentiels 2 milliards de protéines existantes. C'est pourquoi l'arrivée d'AlphaFold en 2018 a marqué une petite révolution. Cette intelligence artificielle a appris de toutes les structures déjà identifiées pour prédire, avec seulement une séquence d'ADN, à quoi va ressembler chaque protéine. Depuis août 2022, la quasi-totalité des structures de protéines que l'on connaît sont désormais prédites grâce à AlphaFold et les publications présentant de nouvelles molécules thérapeutiques à investiguer plus à présent. Mais les prédictions sont-elles correctes? Est-ce que lorsqu'on se penche en détail sur les résultats d'AlphaFold, on obtient des structures aussi précises que les expérimentations, disons, manuelles? C'est ce que cette nouvelle étude parue dans Nature Methods a tenté d'évaluer en comparant des structures expérimentales connues, obtenues et vérifiées avec des cristaux, aux prédictions d'AlphaFold. Résultat, il y a de très légères déviations. Donc, ils prennent les structures là et ils prennent la prédiction AlphaFold. Ils voient que systématiquement, AlphaFold est un peu plus loin des deux expériences indépendantes qui sont un peu plus proches entre eux. Donc, les deux expériences se ressemblent plus et AlphaFold est un peu plus différent. On peut en tirer comme information que AlphaFold, même si c'est globalement très précis, fait quand même des petites erreurs dans la prédiction. Et on voit qu'il y a des petites déviation. Dans l'article, ils ont un peu l'idée que ça montre que quand même la détermination structurale, elle est importante. Ils en tirent aussi que AlphaFold est une très très bon générateur d'hypothèses, parce que quand même c'est très proche, même s'il y a des petites déviations, mais quand même avec cette hypothèse, on peut guider des expériences pour rendre les structures plus précises. Il n'est donc pas encore question de se passer de chercheurs et chercheuses, mais seulement de s'appuyer sur cet outil qui reste très efficace. Et c'est en fait valable pour n'importe quelle IA dans le domaine médical ou de la santé. Elles restent des outils d'aide à la génération d'hypothèses, voire de diagnostics, mais elles n'ont pas la vocation ni les capacités à remplacer les êtres humains. Reste que ces légères erreurs de prédiction posent une question qui n'est pas explorée dans l'article. Est-ce que ce manque de précision peut affecter ce qu'on croit savoir de la fonction des protéines? Autrement dit, est-ce qu'AlphaFold pourrait nous mettre sur une mauvaise piste? Et ce sera la prochaine étape de ces travaux, vérifier si ces déviations impactent ou non notre bonne compréhension du fonctionnement biologique des protéines. Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Eliazor, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Alexandre Morales, Bruno Sansini, Céline Lozen. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique, Marie-Claire Oumabadi. Vous pouvez nous podcaster à toute heure sur le site de franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.